16h en temps universel, 18h à Bujumbura. Merci madame, monsieur de nous rester fidèles. Bienvenue à l'écoute de cette édition. Voici le sommaire. Les jugements de la commission Vérité et Réconciliation sur les terres et autres biens seront sans recours juridictionnel, annoncé ce mercredi le président de cette commission en province Gitega lors d'une rencontre avec les gouverneurs de province. L'organisation de lutte contre la corruption et les malversations économiques Olucom demande qu'il y ait plus de transparence dans le processus d'achat des actions dans la reconstruction de l'ancien marché central de Bujumbura. Les députés ont soulevé leurs inquiétudes ce mercredi quant aux recettes des minerais. C'était lors des questions orales à l'endroit des ministres de l'énergie et mines et celui des finances ce mercredi. Et dans la chronique « Parle, rassure-moi » de ce mercredi, on revient sur la lutte contre les messages haineux en période électorale. Vous l'entendrez dans cette édition mise en onde par Eric Ouiman. Captez Isanganiro, écoutez la différence. Page gouvernance pour débuter cette édition. L'Observatoire de lutte contre la corruption et les malversations économiques Olucom trouve compatible le processus de reconstruction de l'ancien marché central de Bujumbura. Toutefois, Gabriel Oufili, président de cette organisation, estime que les études de faisabilité devraient être réalisées par toutes les parties prenantes, dont celle du gouvernement et celle de la société contractante. Il recommande que les contrats entre ces deux parties soient présentés au Burundi chaque fois que de besoin. L'écoute. C'est un dossier important qui, une fois réalisé, va donner l'image du pays. Pour nous, il y a plusieurs étapes pour que ce marché soit construit. D'abord, la phase des études. Au niveau du gouvernement, selon les informations à notre disposition, les études ont été faites, mais aussi la société qui va participer dans la construction doit aussi mener ses propres études, mais aussi le coût. Parce que si on n'y prend pas garde, il y a risque qu'il y ait un déphasage entre les études faites par le gouvernement et les études faites par celui qui va faire le projet. Ça sera un contrat amphithéotique ou amphithéose. C'est une convention qui part de 20 ans jusqu'à 9 ans. Mais cette période est déterminée sur les bases de voir comment cette société va récupérer les fonds qu'ils ont engagés avec les intérêts. C'est à ce niveau qu'on va déterminer la période. Jusqu'à maintenant, il est impossible de déterminer la période aussi longtemps qu'on ne connaît pas réellement le coût réel de ces constructions, tout en sachant que le projet reste la propriété de l'État. Une fois que les études sont finalisées, il doit y avoir ce que je peux appeler la confrontation de ces études, surtout le budget. Parce que si le budget est majoré, c'est-à-dire que le promoteur du projet va avoir une longue période pour récupérer les fonds engagés. D'où il doit y avoir une équipe d'experts nets qui va réellement voir si la budgétisation, les études faites sont réellement réalistes. Après les 6 mois, cette fois, il va y avoir une convention stricte avec une période de reconstruction. C'est à ce niveau que ceux qui sont en train de s'engager vont réellement montrer qu'ils s'engagent définitivement. La société Obakan Nation, qui a le marché aujourd'hui, appelle la population, les entrepreneurs, à y mettre des actions. Et c'est faisable. Oui, c'est faisable. D'ailleurs, c'est important que les Burundais eux-mêmes prennent les choses en main. C'est une bonne chose. Seulement, ce que les Burundais ont besoin, c'est d'avoir des garanties que leurs fonds ne vont pas disparaître. C'est pour cette raison qu'il doit y avoir des mécanismes de protection de ces fonds. Le président de l'ELUCOM appelle en outre le gouvernement à bien analyser les sources des revenus servant d'achat d'actions en vue d'éviter tout blanchiment de capitaux. Suivez-le encore une fois, traduit en français par Jean de Dieu Irakoudz. Une autre chose à ne pas oublier, nous demandons à la Cellule nationale des renseignements financiers de jouer son rôle. Nous souhaitons qu'elle fasse des analyses des sources des actions placées afin d'éviter tout blanchiment des capitaux, c'est même défendu dans notre pays. Les actionnaires peuvent déguiser la source alors qu'il s'agit du blanchiment des capitaux en jeu. Des gens le font ainsi alors que tout le monde connaît qu'ils sont des bandits. Ils font bien veiller à suivre de près les sources des actions placées dans ce projet. Gabriel Rufsiri, président de l'ELUCOM, dont les propos ont été recueillis par Omer Ndouaye. Parlons justice transitionnelle à présent. Les jugements qui seront rendus par la commission Vérité et Réconciliation sévère dans le domaine des terres et autres biens seront sans recours juridictionnel. Propos du président de cette commission ce mercredi. À Gitega, Pierre Claver Ndaï Chali a indiqué que les bureaux provinciaux de la CVR seront bientôt ouverts pour faciliter la population à accéder aux services de cette commission. Il a en outre demandé au gouvernement de province de collaborer avec ces bureaux. Le point avec Gérard Nibigira. Le président de la commission Vérité Réconciliation CVR, Pierre Claver Ndaï Chali, a indiqué que la loi numéro M/11 du 28 mai 2024 portant création, mandat, composition et fonctionnement de la CVR donne à cette commission les compétences de traiter les dossiers relatifs aux terres et autres biens naguère traités par la Commission nationale terres et autres biens CNTB avant l'expiration de son mandat. Ici, autres biens signifie les maisons, les véhicules, les motos, l'argent en banque qui appartenait aux victimes des événements de 1972 qui ont été récupérés par le régime de l'époque. Pierre Claver Ndaï Chali a précisé que la CVR dispose des listes des maisons, véhicules, motos et comptes en banque des victimes de 1972 spoliées. Cela étant, certains gouverneurs de province ont manifesté leurs inquiétudes liées à ce qu'a dit Pierre Claver Ndaï Chali, comme quoi les décisions de la CVR dans le traitement des dossiers terres et autres biens seront sans recours juridictionnel. Il leur a donc expliqué que la CVR mènera des enquêtes fouillées avant la prise de n'importe quelle décision afin que la décision prise soit approuvée par toutes les parties. Il a ajouté que les décisions de la CVR tiendront compte de la restitution des victimes, de la réconciliation et de la cohésion sociale. Répondant à la question de certains gouverneurs qui trouvent qu'en cas de rébellion par rapport à une telle ou telle autre décision de la CVR, le président de cette commission a mentionné que la CVR est appuyée par les institutions étatiques qui lui donnent toutes les forces nécessaires de faire face à n'importe quelle situation. Dans le cadre de faciliter la population à accéder aux services de la CVR, il a dit que bientôt elle ouvrira ses bureaux provinciaux. Donc, il a invité le gouverneur de province à collaborer avec la CVR, surtout en sensibilisant la population sur le fait de ne pas acheter des maisons spoliées en 1972. Les gouverneurs de province ont promis une franche collaboration avec la CVR. Toutefois, après avoir relevé les manquements qui ont émaillé la CNTB, telle la corruption, la réception de faux témoignages des gens mal intentionnés et consécutivement la prise des décisions biaisées par la CNTB, les gouverneurs de province ont demandé à la CVR d'éviter ce genre de tort. Depuis Gitega, Jean Ibigira pour la radio Isanganiro. Isanganiro, la radio de l'avenir. Poursuivons cette édition par cette page gouvernance et les recettes provenant des minerais. On fait objet d'inquiétude des dizaines de députés à l'hémicycle de Kigobe ce mercredi lors des questions orales à l'endroit des ministres des Finances et celui de l'Énergie et Mines. En réaction, le ministre Ibrahim Ouizey, ayant les minerais dans ses attributions, a répondu qu'il n'est pas facile de suivre et tracer la production minière au quotidien. Il a plutôt appelé la population et les administratifs à aider pour le bien de tous les Burundais. Et en page politique et commerce aussi, le parti Ranak appelle au président burundais à user de tout son pouvoir pour que le sucre soit fixé à un prix plus ou moins accessible. Le président de ce parti salue les critiques du numéro 1 burundais sur le nouveau prix fixé à 8000 francs alors qu'il était de 3300 francs pour le kilo. Aloïse Barichako trouve que le pouvoir d'achat de la population burundaise n'a pas été pris en compte. C'est dommage que le prix du sucre a été revu à la hausse par les autorités de l'assessment. Je pense que ces autorités n'ont pas pensé au pouvoir d'achat de la population. C'est une mauvaise décision qui doit être revue. Une mauvaise décision qui est tombée au moment où il y a la rentrée scolaire. Et voilà, le sucre qui devait servir de nourriture matinale aux enfants n'est plus accessible à la population. C'est dommage parce que normalement les élèves, pour étudier, même les étudiants, il faut avoir mangé parce qu'on dit que ventre affamé n'a pas d'oreille. Il est difficile de suivre les cours quand on n'a pas pris le petit déjeuner le matin. C'est une mauvaise décision qui doit être revue et nous remercions son excellence, monsieur le président de la République, qui a vu que cette décision n'est pas vraiment étudiée, n'est pas salitée. C'est une décision qu'il faut revoir. Comme le président l'a bien souligné, je pense qu'il peut user de tout son pouvoir pour ramener les autorités de l'assessment à la raison et dire de revoir le prix et le mettre à un prix accessible à la population du Burundi. Le président de la République a les prérogatives, c'est lui qui nomme tous les hauts cadres de l'assessment, donc il est capable d'intimer l'ordre. Il a dit à son ministre de le faire, de faire une descente, de faire une étude, mais quand même ça traîne parce que dans toutes les boutiques, partout, maintenant le prix c'est 8000 francs, c'est catastrophique. Les conséquences, partout où le sucre est utilisé, on va revoir à la hausse. Aloïse Barichako, président du parti Iranak, même son de cloche du côté du parti Sahwanya Frodebou. Sylvestre Bikolindagara, porte-parole de ce parti, rappelle dans une déclaration de ce mardi que le sucre est un produit qui influence les prix d'autres produits. Si son prix augmente, on l'écoute. Nous sommes conscients que la société Sosumo est une société commerciale, industrielle et qui doit avoir des bénéfices. Mais jusque récemment, nous étions habitués à voir une augmentation des prix raisonnables. Et ce, par le biais du ministre en charge du commerce et de l'industrie, c'est-à-dire le ministre de tutelle de la Sosum. Parce que le sucre, comme d'autres certains produits comme le pétrole, l'essence, le mazout, est un produit stratégique. C'est pourquoi nous sommes d'ailleurs concernés du fait que nous n'avons rien entendu de la bouche du ministre de tutelle. Nous devons faire savoir que le sucre, comme le gazole et l'essence, sont des produits stratégiques qui ont un impact très positif ou négatif suivant la diminution ou la montée des prix sur les autres produits. Heureusement d'ailleurs que Son Excellence, le chef de l'État, lui-même s'est étonné et n'a pas compris une telle augmentation vertigineuse. Donc ce que nous demandons, c'est que ce soit le ministre de tutelle ou alors le chef de l'État lui-même prenne des mesures transitoires en suspendant le prix augmenté décrété par la Sosumo et que au préalable soient menées des études pour voir si réellement le prix proposé par la Sosumo est défendable. À 18h14 dans le studio de la radio Isanganiro, poursuivons cette édition. La population de la province Rumonge est appelée à s'habituer à travailler en synergie et arriver à se doter d'un avion de pêche moderne. Cet appel du président burundais Evariste Ndayishimiye ce mercredi lors de l'inauguration du bureau provincial de Rumonge. Pour lui, c'est de cette façon qui a conduit à la construction de ce bureau de trois niveaux. La correspondance est signé Jean-Pierre Messago. Dans son discours de circonstance, Evariste Ndayishimiye, président de la République du Burundi, a déclaré que la construction de son nouveau bureau provincial est un signe éloquent qui unit les Burundais en général et la population de Rumonge en particulier sont en mesure de réaliser de grands projets de développement. Parmi les grands projets, le président de la République a évoqué la construction par les Burundais eux-mêmes d'un navire usine qui pourrait être utilisé dans la pêche dans le lac Tanganyika qui, selon lui, est sous-exploité. Évariste Ndayishimiye a en effet fait savoir que les poissons naissent, grandissent et meurent dans le lac Tanganyika sans être pêchés. Les Burundais se contentent d'importer les poissons de l'extérieur. Et pour que ce projet puisse aboutir, il faut éviter un fossé qui se creuserait entre les dirigeants et dirigés, a fait remarquer le président Ndayishimiye. Son nouveau bureau provincial de Rumonge, baptisé Tanganyika Lake House, a été inauguré après le centre de santé de Rutumo et la branche de la banque kenyane KCB de Rumonge. Selon le gouverneur de Rumonge, ce bâtiment a coûté plus d'un milliard 78 millions de francs burundais avec une dette de 45 millions de francs burundais que le président de la République a promis de payer à la place de la province Rumonge. Jean-Pierre Misago de Rumonge, Radio Isanganiro. Parlons droit des enfants. La Fédération nationale des associations engagées dans le domaine de l'enfance au Burundi, FENADEB, appelle à une réponse immédiate pour lutter contre la traite transfrontalière des enfants Burundi. Dans un communiqué de presse sorti ce mardi, Ferdinand Simbaruhije, porte-parole de la FENADEB, a estimé que ce phénomène prend de l'ampleur. Il se base sur un bilan de 67 mineurs interceptés par la police entre le 1er et le 20 septembre de cette année, alors qu'ils se dirigé vers la Tanzanie. Parle, rassure-moi. La chronique Parle, rassure-moi de ce mercredi est centrée sur des discours couramment utilisés pendant la période préélectorale des habitants de la colline Ebigwa de la zone Luyaga en commune Kanyosha. En province, Bujumbura affirme qu'en période électorale, des discours haineux sont souvent tenus, provoquant des tensions entre les membres de différents groupes. Et Richard Nkunzimana, expert en résolution des conflits, souligne que ces discours fréquemment utilisés pendant les campagnes électorales peuvent amener à des violences ou à des conflits, Lydie Gahimbari. Ces habitants de la colline Bigwa, zone Luyaga, dans la commune de Kanyosha, province Bujumbura, disent que lorsque les élections approchent, des personnes viennent leur enseigner des idéologies divergentes, ce qui pourrait créer des divisions entre eux. Prudence Baranyikwa, secrétaire permanent chargé des affaires administratives, commune Kanyosha, affirme que parmi ceux qui dirigent, certains utilisent des discours diffamatoires à l'approche des élections. À l'approche des élections, les membres des partis politiques entrent en désaccord parce qu'ils font la course derrière une ressource rare, c'est-à-dire le pouvoir. Tout membre, tout fondateur d'un parti politique espère gagner les élections. Les présidents, les membres des partis politiques se rassemblent et trouvent des slogans. Quelquefois, il y a des slogans qui blessent les autres. Richard Ndimana, expert en solutions pacifiques des conflits, affirme que ces pratiques permettaient aux différents groupes qui les emploient de gagner plus d'influence que leurs concurrents. Bon, à chaque fois qu'il y a l'approche des élections, puisque les leaders politiques aiment ou veulent tout simplement atteindre leurs objectifs, avoir des postes, il y a quelques fois où ils lancent des discours, des mots qui sont blessants, qui sont même à l'origine des disputes au niveau de l'entourage. Donc, je vais donner un exemple. En 1993, les deux principaux partis qui étaient en compétition, donc l'UPRONA et le FRODEBU, du côté de l'UPRONA, les UPRONistes surnommaient président Dadaïe de Kinyamwanira, donc un type d'oiseau. Et de l'autre, les FRODEBUistes disaient que l'UPRONA ne pouvait pas prospérer parce que c'était comme un petit, donc ils ont déjà évolué. Donc cela signifie qu'à un certain moment, il y a des messages de diabolisation mutuelle. Cet expert indique que ces échanges verbaux conflictuels entraînent une intolérance et des relations tendue entre les citoyens. Évidemment, et ça a d'ailleurs un impact, je dirais, négatif. Puisque vous vous diabolisez, vous lancez des vocabulaires qui ne sont pas adéquats, à un certain moment, ça peut réveiller des esprits et causer des querelles dans l'entourage. Richard Ndimana, expert en solution pacifique des conflits, exhortait les leaders communautaires ainsi que les partis politiques à utiliser un langage unificateur dans le but de renforcer la cohésion sociale. À 18h20 dans le studio de la radio Isanganiro, c'est par ici, Madame, Monsieur, que je mets en point final à cette édition. Merci de l'avoir suivi. Merci également à Eric Ouimane qui a assuré la mise en onde. Très bonne suite de nos programmes. Au revoir.